got us some grace. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour la 8e émission Last on the Ground, les nouveaux enregistrements européens. Alors voilà, pour cette 8e émission que l'on va nommer l'avant-garde, il s'agit tout simplement des nouveautés 2018, 2019 et 2020. J'avais promis en fait vis-à-vis en fait des anciennes émissions où il y avait quand même des titres assez anciens. Aujourd'hui on va passer des titres plutôt récents et même d'ailleurs de cette année, en particulier depuis ce début d'année. Voilà, on va passer tout de suite un groupe français, on va en parler tout de suite, c'est BKR42 et vous allez voir, c'est tout à fait sympathique. Yeah. voilà, donc pour BKR 42. Alors, BKR 42, c'est un projet quand même qui date de 2016. Alors, il faut savoir que BKR 42 a quand même un certain passé. En fait, il est à l'origine, il est français, bien sûr, et il est à l'origine de Laurent K. Alors, il faut savoir que Laurent K est connu pour avoir été le fondateur et leader du groupe de musique Oi, Bunker 84, qui a influencé en fait pas mal le domaine du rack, de la musique rack. Et donc, ils ont le groupe en fait Bunker 84 s'est éteint en 1989 et en 2016, un projet a été baptisé BRK 42 et l'album Renaissance qui consiste en fait à des reprises du groupe Bunker 84 en version électro-indus ou atmosphérique, électro-atmosphérique et donc un peu sur la mouvance aussi martiale. Et donc, ils sont sortis sur le label Martel en tête. Voilà pour l'histoire un peu de BKR 42. On va passer tout de suite à Angelic Faux. Et vous allez voir, c'est tout à fait intéressant comme groupe. C'est vraiment assez prenant au niveau de la musique. Conditions we conceal to rise below, out of the mud to a Gnostic black. The past whispers of what's coming back. In fever dreams, our fathers shone towards a wooden nomadic throne. In sleep, secure in values, we proceed. In waters wild, in the shadows and the seas, lift your hands and find the stars removed. In mirrored lives, the fate of gods approved. Steer the boat to realms. In the sun's asylum you will find your home. In utter cries and watching lies, names received I will recite. The banners change but not remains. All our rules are lost to I am easy, I am eternal blue. In the groves and hills, love will follow soon. Scent of May is the leaves around our necks. For the meadows wild have all gone black. And so we walk into different hells. The keeper clothed, weaving its spells, start anew. To drink and die, to cross the threshold without any sign. You call things home you never knew. Rest on the peaks least with a few. In sleep secure in values we proceed. In waters wide, in the shadows and their seeds. Lift your hands and find the stars removed. In mirrored life, the fate of gods approved. A darkened line between the high and low. Into absent time, we all shall go. Darkened line between the high and low. Into absent time. We got us some good. Voilà, voilà pour le dernier titre. C'était Adèle. Cloudborne, alors un groupe allemand, comme vous avez pu reconnaître, c'était vraiment le style dark folk, néo folk. Alors voilà, c'est un groupe allemand qui a sorti quand même 5 albums, et donc bon, on est vraiment dans le style dark folk, néo folk. D'ailleurs, l'émission d'aujourd'hui, on va tourner véritablement, retrouve les thèmes de Last Underground, des nouveaux enregistrements européens, dans le sens où en fait on repasse en fait de la dark folk, du néo folk, martial industrial, martial néo classique, et metal symphonique, etc., etc. Voilà donc pour le thème de l'émission. Alors juste avant, justement, j'en parlais, c'était un groupe super intéressant. Il s'agissait d'Angelic Faux. Alors Angelic Faux, c'est un groupe de dark atmosphérique. Vous aurez reconnu en fait le style que l'on peut retrouver dans certaines séries, dans ce petit titre, hein. C'est un titre d'une minute trente, mais on en repassera au fil de l'émission. Alors c'est un groupe qui en fait travaille plutôt dans le domaine du dark atmosphérique, de Heavenly Voice, qui s'inspire en fait, c'est un projet suédois à la base, et en fait ça s'inspire en fait des contrées légendaires où on rencontre des créatures d'ombre et de lumière. Les textes évoluent dans la mythologie et les bestiaires, les démons nordiques. Voilà en fait pour le groupe Angelic Faux. Voilà, on va passer tout de suite à un autre classique. Alors il s'agit de d'Arditi plutôt, excusez-moi. D'Arditi, alors Arditi on en a passé hein, au fil de pas mal d'émissions. Donc voilà, Arditi, groupe italien, groupe d'industriels. Decades of misery were a lesson. As each minute did pass, our goal was only closer. And the final lesson, and the final assignment, we give to you this day. Take whatever you have at hand, and turn it into a weapon. Take whatever feelings you have left, and turn them into hatred. For there are the losers in our world. Character of the noble defeated. It makes extinct what should not exist in force. Thank you. dernier groupe qui venait de passer, c'était Ataraxia avec Donc je dois être morte. Voilà, tout à fait d'ailleurs, un titre tout à fait évocateur. Entre autres, juste avant, donc c'était bien sûr RDT, groupe de Martial Industrial avec le titre Plowshare into Sword. Voilà pour le dernier titre d'Ataraxia. Donc je dois être morte pour revenir en fait sur Ataraxia. Alors, Ataraxia, c'est un groupe italien qui en fait officie quand même dans le domaine de la dark wave néoclassique, typiquement en fait italien, hein, avec des sons extrêmement inspirés par le pays. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'Ataraxia, c'est qu'en fait ils ont une production, ils viennent de Modène, hein, en Émilie-Romagne, et ce groupe a une production, imaginez à peu près une trentaine d'albums. Alors c'est absolument énorme. Ils ont officié en fait dans plusieurs styles, hein, au fil des années. Ils ont eu pas mal de musiciens qui ont changé. Et ils ont passé du néo-folk, la dark wave, du néo-classique, etc., néo-classical. Et le groupe a vraiment fait des tournées énormes, hein, en passant par toutes les scènes européennes, mais aussi au niveau international, jusqu'en Chine, Argentine, Mexique, etc. C'est absolument énorme. Le dernier album date de 2018. D'ailleurs, le titre daté d'un album donc, de 2018. Voilà pour le groupe Ataraxia. Écoutez, on va continuer, en tout cas, on va revenir plutôt avec Angelic Faux. Tout à l'heure, c'était un titre d'une minute trente, mais là, on va passer sur un titre un peu plus long, avec qui se nomme Vision of the Four Best. Donc les quatre yeux de la bête. Voilà. Toujours avec cette ambiance un peu fantasy médiévale, heroic fantasy, etc. Moi vraiment j'aime beaucoup ce style d'ambiance un peu cinématographique. Voilà pour Angelic Faux. Voilà, c'est parti. Exceedingly strong, with iron teeth, it broke into pieces. stand, what was left with its feet. We'll be right back. some good. Give it to me. Give it to me. Voilà, tout de suite. Alors, tout de suite, c'était le groupe Brown. Alors, le groupe Brown qui nous vient d'Angleterre, et c'était un titre assez atmosphérique, malgré que le groupe, en fait, enfin, la production, en fait, lorgne, en fait, au niveau du black metal, hein, ça arrive, mais là, c'était vraiment extrêmement atmosphérique, voire un petit peu avec des rythmes un peu martiaux de temps en temps. Donc c'était le titre Glitch. Voilà pour le groupe Brown. Eh bien écoutez, on va écouter Ataraxia. On revient sur un autre titre d'Ataraxia. Et avec Rashan. Voilà pour le titre d'Ataraxia. Oh, Voilà pour le titre d'Ataraxia. Alors, le titre est quand même assez incantatoire, comme vous l'avez remarqué. C'est un titre, en fait, Rachian, qui est en fait assez répétitif au niveau musical, au niveau en fait des refrains. Voilà pour le titre Rachian d'Ataraxia. Alors, tout de suite, on va passer avec une autre production, d'ailleurs une production que l'on connaît, qu'on avait déjà passé. Il s'agit de Regard Extrême, mais il s'agit en fait tout simplement d'une association. En fait, Regard Extrême, comme on le connaît, c'est un projet français commandé par Fabien Nico. Il collabore souvent avec d'autres artistes. Et là, il a collaboré avec des chanteurs de la Dark Folk comme Die Weber Rose. Et on trouve en fait dans cette production qui s'appelle L'Odyssée un travail avec un groupe Dark Awake. Alors que Dark Awake est en fait officie beaucoup dans le néo-folk Dark Folk. Donc cette production en fait. Ce binôme, en fait, c'est une deuxième coopération déjà qui a été faite il y a déjà un petit moment. Alors, comme son nom l'indique, l'album Odyssée, un album qui date de 2018, c'est un hommage à l'une des œuvres majeures de la littérature classique, l'Odyssée, communément attribuée au poète Homère. En fait, il raconte les aventures et mésaventures du guerrier Ulysse à son retour après le retour de la mythique guerre de Troie. Voilà pour la production Dark Awake avec Regard Extrême qu'on s'écoute toujours. Donc avec The Land of the Less Strigon. Thank you. Voilà pour le titre, dernier titre, c'était après Dark Away qui est Regard Extrême, c'était donc Der Blue Torque et The Infinite Church of the Landing, tout ça. Voilà, en fait, c'est tout simplement un titre de 2020. Donc de cette année, alors il s'agit, alors c'est étonnant hein, comme titre parce que le groupe, le dernier titre, à la Own, de Dark Blue Dark et de Infinite Church of the Landing, en fait c'est assez étonnant d'entendre un tel son. En fait il s'agit du groupe qui vient en fait avec Dark Blue Dark, c'est un groupe plutôt qui fait de le rock underground, un petit peu bruitiste. Et c'est étonnant d'avoir en fait cette association entre quand même quelqu'un qui officie, qui a pas mal officié dans le martial industriel, martial néoclassique, bruitisme, etc. Qui a beaucoup travaillé par exemple avec Dissingune, on en avait déjà parlé. Et donc voilà pour le dernier titre, All Own de Dark Blue Dark et The Infinite Church of the Landing. Voilà, on repasse tout de suite sur Ataraxia avec Sika. Thank you. Voilà pour le titre juste après donc Atara Classica, c'était Drop Five en fait qui nous vient de Finlande. Alors à la base les membres du groupe sont initiés par Martin entre guillemets Slodzen Hansen et donc il y a d'autres musiciens qui collaborent donc à son projet. Il faut savoir que le titre lui date de 2019, c'était Volk. Voilà pour le groupe. Alors en fait ils officient plutôt dans le martial, comme on l'a entendu, hein, martial dark ambiante industrial march, comme tout de suite, hein, donc avec cette ambiance un peu seconde guerre mondiale. Ils passent aussi par la musique traditionnelle, donc voilà. Ils nous viennent donc de la ville de Tampere pour Droid Fight avec ce titre tout à fait évocateur, Volk. Voilà, tout de suite on passe avec Dune Messia. Alors Dune Messia c'est un groupe de néo-folk qui nous vient du Danemark. C'est un groupe danois donc qui nous vient du Danemark bien sûr, et puis donc c'est un groupe qui a fait pas mal d'albums et puis qui est passé par plusieurs styles, mais en fait à la base le projet néo-folk est tenu par Magnus Westengaard. Voilà pour un peu la petite histoire de Dune Messia. On va s'écouter tout de suite le titre We Vanish Darksen Org. Voilà. Passenger on the train of time, have I gone too far? Sorrow awaits me, wasting my life. Is there no one at all? Tremble, fall, and we vanish. There will be nothing left apart from water, from our eyes, from back when we were both alive. I see the rivers, oh, they gather. They take us back to when we were young. Put a stamp on the future. It's just a kind remark. The struggle is endless. The passenger is gone, but the cancer in our hearts is like a tombstone in itself. It's growing, it's moving. It doesn't need no. Voilà pour le titre du groupe Dune Messia, donc groupe néo-folk. Alors on a remarqué quand même dans le groupe quelque chose, quelques intonations qui me font penser à un groupe que j'ai déjà passé. Il s'agit du groupe luxembourgeois Rome. En fait, je trouve qu'il y a en fait une similitude dans le style entre le groupe Rome et le groupe Dune Messia. Voilà, c'était donc oui Vanish. Voilà, on va tout de suite passer par un autre groupe, Giovanesa Europea. Alors Giovanesa Europea, c'est un groupe en fait germano-italien qui a démarré le 24 mars 2018. Et en fait, c'est une production très récente. Et en fait, ce groupe, il s'influence en fait profondément par le futurisme de Marinetti. Voilà, le futurisme italien. Marinetti qui était un proche de Mussolini. Voilà. Donc, l'identification musicale est considérée comme de l'héroïsme classique, calqué sur du martial industriel, de l'expérimental et de la musique dite totalitaire. Voilà, en fait le groupe recherche dans son approche intellectuelle l'annihilation du Kali Yuga et ils suivent la vision du monde de la vérité. Voilà en fait pour la petite histoire du groupe Giovanesa Europa. Voilà, on va tout de suite s'écouter un titre sympathique qui s'appelle Notre Combat. Renaît, et avec tous mes forces, au dernier moment, mon existence, je voilà pour le titre qui vient de passer, c'était Of the One, Of the Moon, bien sûr. Alors on en a pas mal passé ici du néo-folk, groupe fondé donc, entité fondée par Kim Larsen, le Danois. Voilà, donc pour le titre, c'était bien sûr Hold My End. Voilà, tout de suite, on va passer par les Italiens de L'Effet C'est Moi. Alors L'Effet C'est Moi, je vous en avais déjà passé, il y en a déjà un petit moment. Alors, on passe tout de suite par Der Ritter. Alors, il faut savoir que les titres là qui viennent de passer sont vraiment les derniers titres, derniers albums en cours actuellement au sein de ces productions. Par exemple, Of the One of the Moon, c'est un album de 2020, de cette année, et L'Effet C'est Moi de la fin 2019. Voilà, on passe tout de suite donc à L'Effet C'est Moi, groupe italien avec Der Ritter. We'll be right back. voilà pour le titre donc de L'effet c'est moi, vraiment excellent titre avec des Ritter. Voilà, on va se passer donc un avant-dernier titre. Il s'agit d'Ozzy on the Jupiter, qui est un groupe américain qui nous vient d'Ohio. Alors c'est un groupe qui officie en fait dans le domaine des musiques nordiques et du pagan folk, hein. Ça, en fait, c'est l'inspiration principale d'ailleurs. L'album, c'est-à-dire le tout dernier album, est vraiment une superbe pochette, vraiment avec des runes et tout, et une très belle photo d'un animal nordique. Voilà, donc c'est vraiment vraiment sympathique. Il s'agit de l'album Nordlai Runatskog. Voilà, c'est du danois, malgré que ça soit un groupe américain. Voilà, pour Ozzy on the Jupiter, qu'on va s'écouter tout de suite avec le titre Det Errer Lille Skogen. C'était l'avant-dernier titre donc de l'émission numéro 8. C'était donc Ozzy on the Jupiter avec le titre Det Errer Talskogen. Voilà, excellent titre d'ailleurs. Ça doit vous faire penser à quelque chose peut-être pour ceux qui écoutent l'émission habituellement, au groupe Wardruna. Voilà, au groupe Wardruna qu'on avait déjà passé, et il y avait eu d'ailleurs une parenthèse avec le groupe Wardruna, puisqu'ils sont à l'origine du générique de la célèbre série Viking. Voilà pour la petite anecdote. Alors on va se quitter avec un tout dernier titre. On repart sur Of the One of the Moon, mon groupe fétiche de néo-folk de Kim Larsen, du dernier album. Donc j'espère que cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Alors il s'agissait en fait de l'avant-garde partie 1 pour cette émission. Il y aura une avant-garde partie 2 pour les nouvelles productions 2018, 2019 et 2020. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup. Et oui, dans ce milieu qui officie entre le dark folk, néo-folk, martial industrial, military march, néo-classical, martial néo-classical, il y a quand même beaucoup de productions, il y en a énormément. Donc on passera sur une partie 2 encore avec des nouveautés. Voilà, alors je vous dis à bientôt pour la 9e émission. Et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Voilà, allez, on se passe le dernier titre, Soul Exa de Of The One Of The Moon. Sure.